Activité 6 et 7. Tu vas bien, Maud? Ça se passe bien avec tes nouveaux voisins? Oui, très bien. Il y a une femme très sympa. Elle s'appelle Chloé. Elle est grande et blonde. Elle ressemble à ma sœur Juliette. Mais Juliette a les cheveux longs. Ah oui? Elle est à quel étage? Elle habite au rez-de-chaussée. Elle a deux fils. Alex, c'est un ado. Il est mince. Il a les cheveux blonds et bouclés. L'autre, Noé, c'est un gros bébé. Il pèse 10 kilos. Il a aussi de beaux yeux bleus. Et leur père, il est blond aussi? Mais non, il est châtain. Il s'appelle Marc. Il est drôle avec ses chemises à fleurs.